Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et si vous avez la chance d'être encore en vacances, eh bien profitez-en, même si la météo aujourd'hui ne sera pas favorable, on en parlera tout à l'heure. Nous sommes le lundi 13 août, nous souhaitons une bonne fête au Hippolyte, ça vient du grec dompteur de chevaux. Hippolyte est un homme qui, sous des allures souvent un peu rudes et viriles, dissimule avec plus ou moins de bonheur une émotivité particulièrement vive, doublée d'une hypersensibilité avec le 19 comme nombre actif. Il n'est pas l'homme des 10 mesures, tant en ce qui concerne son caractère, qu'il aime affiché, trempé, viril, courageux, combatif, que son destin qui peut être une superbe réussite ou un échec cuisant. Ses qualités deviennent vite des défauts, autoritaire, orgueilleux, impatient, impulsif, téméraire. Il est capable de foncer sans forcément avoir pris le temps de la réflexion. Par ailleurs, il est souvent tendu, ce qui peut se traduire par des explosions, entre guillemets, hein, dans lesquelles les mots peuvent dépasser sa pensée. Si Hippolyte a un côté tout ou rien, c'est sans doute aussi parce que sa personnalité est un peu écartelée entre la tendance émotive, fragile, craintive, sinon peureuse, influençable et infériorisée, et l'autre masculine, confiante, indépendante, téméraire, voire agressive et risque tout. Il en résulte certainement un caractère cyclotymique, mais il peut vivre aussi à la hauteur de son maître nombre 11, dont la force est une des caractéristiques, ce qui ne manquera pas de lui conférer un certain ascendant sur autrui. Dicton du jour, le temps du 13 août dure 4 jours. C'est vers la Saint-Hippolyte que le raisin change au plus vite, ou encore à Saint-Hippolyte quand l'eau abonde, c'est misère dans le monde. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale des gauchers. En Colombie, c'est la journée des humoristes. Et en République centrafricaine, c'est la fête de l'indépendance qui commémore l'indépendance vis-à-vis de la France. Et ça s'est passé un 13 août en 1960, indépendance de la République centrafricaine. On va tout de suite marquer une première pause musicale avec le chanteur James Morrison et son titre « You Give Me Something ». You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. 'Cause you give me something that makes me scared, alright. For hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone was someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, 'cause someday I might call you from my heart, but it might be a second too late. And the words I could never say, Please give me something, someday I might know my heart. Know my heart, know my heart, know my heart. James Morrison sur RGM, un peu plus de 8h36, on est toujours dans la matinale et on va parler anniversaire. Ils sont nés un 13 août 1955, naissance de Paul Greengrass, réalisateur britannique, à qui l'on doit Bloody Sunday, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau ou encore Jason Bourne. 1978, naissance de Boudère, humoriste et acteur franco-marocain, vu dans Neuilly sa mère ainsi que la suite Neuilly sa mère, actuellement au cinéma. Vu également dans Halal, Police d'État, Beurre sur la ville, Pattaya ou encore à l'affiche bientôt hein, du film Alad 2, la suite d'Alada. 1979, naissance de Kasia Smutniak, modèle et actrice polonaise, vu dans le film From Paris with Love dans le rôle de Caroline. 1982, naissance de Sébastien Stan, acteur roumain, vu dans Toy Boy, Black Swan dans le rôle d'Andrew, Captain America. America First Avenger dans le rôle de James Barnes alias Bucky, rôle qu'il a repris dans Captain America le soldat de l'hiver, Captain America Civil War, Avengers Infinity War et il reprendra ce rôle dans Avengers 4, pardon, sortie prévue l'année prochaine. Vu aussi dans Seul sur Mars, la série télé New York Police Judiciaire, quelques épisodes de Gossip Girl dans le rôle de Carter Bazin, Once Upon a Time dans le rôle de Jefferson alias le Chapelier Fou. 1984, naissance d'Alona Bodarenko, ancienne joueuse de tennis ukrainienne, qui a fait carrière de 1999 à 2011. En simple, elle a été 19e mondiale en 2008, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finaliste à Roland-Garros, Wimbledon et à l'US Open. En double, elle a été 11e mondiale. En 2008, elle a gagné une fois l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. C'est également l'année de naissance de James Morrison, chanteur britannique. 1986, naissance d'Élodie Thomis, footballeuse française qui a évolué à Clairefontaine, à Montpellier et à Lyon avec lesquels elle a été vainqueur du championnat de France à 11 reprises, de la Coupe de France à 7 reprises et de la Ligue des Champions à 5 reprises. 1992, naissance de Lucas Moura, footballeur brésilien qui de 2010 à 2013 a joué à Sao Paulo FC, de 2013 à 2018 au PSG et depuis janvier 2018, il joue à Tottenham. 1995, naissance de Presnel Kimpembe, footballeur français évoluant depuis 2014 au Paris Saint-Germain. En 1963, décédé Louis Bastien, qui fut escrimeur et cycliste français, qui notamment à Paris en 1900 était sacré champion olympique sur piste en 25 km et champion du monde de demi-fond amateur. Et en 1998, on apprenait le décès de Nino Ferrer, chanteur français, dont on écoute d'ailleurs tout de suite une chanson, c'est Le Sud. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années, et toujours en été. Se roule sur la pelouse, y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie surprend plus d'un million d'années. Et toujours en été. De Nino Ferrer sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h44. On fait un point météo. La météo. Alors, comme je vous le disais en tout début d'émission, hein, la météo sera pas des plus agréables aujourd'hui, mais ça va faire du bien, cette pluie. Des températures comprises entre 17 et 18 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés pour cet après-midi. Le retour des éclaircies se fera dès demain, avec des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 22 et 24 degrés l'après-midi. Et pour mercredi, on devrait avoir une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés prévus pour mercredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va faire un point sur les championnats européens qui se sont terminés hier soir. Si ce week-end vous n'avez pas pu suivre et être devant votre poste de télé, eh bien on a récolté pas mal de médailles. Hein. En triathlon notamment, la médaille d'or de Pierre Lecor. En 800 mètres dames, la médaille d'argent pour Ronel Lamotte. 110 mètres et la très belle médaille d'or de Pascal Martino Lagarde. En eau libre, 5 km, le relais mixte français a décroché la médaille de bronze. en BMX médaille de bronze pour Sylvain André. En gym par équipe, l'équipe de France a été médaillée de bronze. En triathlon, le relais mixte a été couronné d'or. Au 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss a décroché la médaille de bronze. Au 5000 mètres, médaille de bronze pour Morad Hamdouni. Le 4x400 mètres messieurs a malheureusement terminé 4e. Le 4x400 mètres féminin a décroché la médaille d'argent. Au marathon féminin, Clémence Calvin, pour sa première participation au marathon, a décroché une très très belle médaille d'argent. Le 25 km en eau libre féminin avec Lara Grandjean, eh bien, elle a décroché la médaille de bronze. En plongeon à 10 mètres, médaille de bronze également pour Benjamin Auffray. En golf, médaille d'argent pour les Françaises Justine Dreher et Manon Mollet. Au marteau, médaille d'argent pour Alexandra Tavernier, qui a d'ailleurs battu le record de France. À la perche, médaille de bronze pour Renaud Lavilloni, qui a sauté à 5,95 m. La médaille d'or revient au Suédois 18 ans, Armand Duplantis, qui lui a sauté à 6,05 m. Un concours de perche absolument hallucinant. Et on a terminé avec les relais 4x100 m féminin. La France a terminé 5e et côté messieurs, la France a terminé 4e et la France termine 6e au classement des médailles avec un total de 42 médailles. Un mot de football, tout d'abord avec du football féminin et le mondial U20 où la France a battu les Pays-Bas 4-0, se qualifie donc ainsi pour les quarts de finale. Ce sera jeudi soir. En Ligue 1, Marseille s'est imposé 4-0 face à Toulouse, Monaco s'est imposé 3-1 à Nantes, Nîmes s'est imposé 4-3 à Angers, Lille s'est imposé 3-1 face à Rennes, Dijon s'est imposé 2-1 à Montpellier, Reims s'est imposé 1-0 à Nice, Saint-Étienne s'est imposé 2-1 face à Guingamp, Lyon s'est imposé 2-0 face à Amiens, Strasbourg s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Bordeaux et enfin le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 hier soir face à Caen. En Ligue 2, nouvelle défaite du Sluc Nancy, 3-0 à la SNL, c'est mieux. De Nancy, donc 3-0 face à Lens et Metz. Eux se sont imposés 3-2 à Clermont et en National 2. Victoire d'Épinal face au club de Lusitano Saint-Maur, 2-1. Et à noter, toujours football, mais cette fois international, Gérard Piqué, le défenseur espagnol, a annoncé sa retraite internationale. Un mot de voile avec les championnats du monde et 3 médailles pour l'équipe de France. La première en argent pour Mathieu Frey et Noé Delpech en 49 ER sailing. Médaille de bronze pour Louis Gillard en RSX et médaille d'argent pour Charline Picon également en RSX. Et on termine avec du tennis. Le Masters de Montréal a été remporté par Simona Halep 7-6, 3-6 et 6-4 face à Sloane Stephens. Et le Masters de Toronto a été remporté par Rafael Nadal en 2-7, 6-2, 7-6 face au tout jeune Tsitsipas. Nadal remporte ainsi son 33e Masters 1000, qui est un record. Et d'ailleurs, le joueur espagnol a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne participerait pas au tournoi de Cincinnati, qui a d'ailleurs débuté hier. Et côté messieurs, hier, Manarino s'est qualifié en 3-7 face à l'Italien Cecchinato. Aujourd'hui, Luca Pouille affrontera Andy Murray. Richard Gasquet sera opposé à Carreno Busta. Benoît Paire lui affrontera Ferrer. Jérémy Chardy sera opposé à Verdasco. Djokovic lui affrontera Johnson et Stan Wawrinka se reposait à Schwartzman. Et côté féminin, hier, Alizé Cornet a battu la joueuse Kenin en 2-7. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera George. Keys, elle, affrontera Mattekson. Serena Williams sera opposée à Gavrilova. Et on termine cette actualité avec du rugby à 13 où l'équipe de France U19 a été sacrée championne d'Europe ce week-end en battant l'Angleterre. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Ed Sheeran et son titre Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful.